Ouais, ouais. Chant des loups. Chant des loups, ouais, ouais. Ok, ok, parfait. Chant des loups, ouais. Ok, chant des loups. Ici du bitume, les mecs du géant, la couleur du béton. Gris, le jour, noir, la nuit. Les cages d'escalier, fait des urinoirs. C'est la seule piste qu'on voit, là, on s'apprend dans les caves. Ouais, c'est vrai. On manque de tendresse, mais moi, l'amour, j'ai appris en m'attendant des films. Jeune cas dynamique, double que je suis black. Ici c'est somme des crânes, ma vie une plastine et un mic. Qui vole une bicyclette, vole une série 7. C'est la série noire, preuve que la vie n'est pas un sitcom. Genre premier baiser, première part sous un présent. Et à 16 ans son premier bébé. Cache d'escalier, contre cache d'oreille. On veut du cache dès lors, on nique le profil écolier. La rue perce, au son des sirènes. Le macadam à l'aide, tu l'arroses parmi les roses.